3. On vient de voir que la tradition épique s'est développée chez la race germanique d'après les lois qui semblent présider partout à la formation de l'épopée. D'abord naissent des chants héroïques qui sont l'écho de faits historiques ou plutôt de l'impression que ces faits ont produite sur l'imagination populaire. Puis ces chants se regroupent autour d'un nom connu, Siegfried, Dietrich ou Gunther, et forment des cycles. Plus tard, ces cycles, d'origine et d'époque différentes, finissent par se rapprocher et par s'amalgamer sous l'empire d'un mythe religieux et d'une pensée morale. C'est cette phase du développement de l'épopée du Nord qu'il nous reste à montrer. Mais si l'on veut la saisir, il faut étudier la tradition telle qu'elle se présente dans l'Edda. Car, dans le Nibelungen Not, l'influence des idées chrétiennes et chevaleresques a tellement obscurci les données primitives que, sans le secours des sources islandaises, on ne réussirait point à les découvrir. Pour qu'on comprenne bien ce point important de l'histoire de l'épopée germanique, il ne sera pas inutile de rappeler rapidement sous quelle forme la légende des Nibelungen se présente dans le recueil de Sigmund, complété par les indications de la Volsunga saga. Trois divinités, trois Asen, Odin, Loki et Hœnir, parcouraient un jour la terre. Arrivés à une chute d'eau, ils aperçoivent une loutre dévorant un saumon. Loki, d'un coup de pierre, tue la loutre, l'écorche et en emporte la peau, très fier de son adresse. Le soir venu, les trois dieux entrent pour passer la nuit dans la demeure d'un homme qui s'appelait Raedmar, et ils lui montrent le produit de leur chasse. Raedmar voit qu'ils ont tué son fils Otur, qui vivait dans la rivière voisine sous la forme d'une loutre, Otr. Il appelle ses deux autres fils, Fafnir et Regin, se jette avec eux sur les Asen, les terrasses et les garottes. Les dieux offrent de composer. Raedmar accepte et demande pour prix du sang autant d'or qu'il en faut pour remplir intérieurement et pour recouvrir extérieurement la peau de la loutre. Aussitôt, le rusé Loki se met en campagne pour se procurer la rançon promise. Il se saisit d'un nain qui s'appelait Andvari et qui vivait dans l'eau sous forme de brochet. Ce nain possédait un trésor immense et une bague, l'Andvaranaut, qui donnait à son possesseur le pouvoir de se procurer autant d'or qu'il le désirait. Pour racheter sa liberté, Andvari livre même cet anneau merveilleux, mais il voue à la mort quiconque deviendra maître du trésor. À peine les Asen ont-ils remis aux mains de Raedmar la composition promise, que la malédiction attachée au trésor a son effet. Fafnir et Regin réclament de leur père une part du prix du sang. Celui-ci refuse, et ses fils le tuent. Fafnir, qui est le plus fort, s'empare des armes de Raedmar, de l'épée Hroti et du casque Egselm, dont l'aspect fait trembler tous les hommes. Puis il chasse son frère, se rend maître de tout le trésor, et se couche dessus sous forme de dragon, dans la bruyère de Gnitaheide. Regin se réfugie auprès du roi Hialprek, en langue franque, Chilpéric, et devient son forgeron. Il élève en même temps le jeune Sigurd, fils de Sigmund et de Jordi, de la famille des Volsungen, qui descend d'Odin. Après lui avoir forgé une épée sans pareille, Gram, et lui avoir choisi dans les étables d'Hialprek l'incomparable étalon Grani, il conduit le héros sur la Gnitaheide et le pousse à tuer Fafnir. Sigurd creuse une fosse en terre, et quand le dragon la franchit, il lui perce le cœur avec sa redoutable épée. Fafnir est frappé à mort. Regina court alors et boit le sang du dragon. Puis il demande à Sigurd qu'il veuille bien retirer le cœur de Fafnir afin qu'il le mange. Tandis que Sigurd s'occupe de ce soin, il se brûle les doigts. Il les met dans sa bouche et aussitôt que le sang du dragon a touché sa langue, il comprend le langage des oiseaux. Des aigles, qui du haut d'un arbre voisin assistaient à la scène, s'entretenaient des projets de meurtre que Regin méditait contre Sigurd. Celui-ci, averti, s'élance vers le traître et lui tranche la tête. Après avoir mangé le cœur et bu le sang de Fafnir, il charge le trésor sur Grani et obéissant au conseil des aigles, il s'avance vers les terres des Francs. À Hrindarfjall, dans un château fort entouré de flammes, repose un beau guerrier. Sigurd lui enlève son casque et, avec le tranchant de son épée, déchire sa cotte de maille. Il reconnaît alors que c'est une femme. En effet, c'est Brunhild, qui, comme Valkyrie, s'appelle Sigurdrifa. Pour la punir d'une désobéissance à ses volontés, Odin l'avait frappée d'un sommeil magique dont elle ne pouvait être délivrée que par le secours d'un homme qui n'a jamais connu la peur. Réveillée, elle bénit les dieux et s'attache à son jeune libérateur, à qui elle révèle toute la science des runes. Après être demeurée quelque temps auprès de celle envers qui il a engagé sa foi, Sigurd la quitte et se rend auprès des fils de Gjuki, Gunnar et Hugni. Il devient leur frère d'armes. Et même bientôt, les liens du sang les unissent. Grimhild, la mère de ses chefs, fait boire à Sigurd un breuvage qui lui enlève le souvenir des relations qu'il a eues avec Brunhild. Infidèle à ses serments, il épouse Gudrun aux blonds cheveux, la fille de Grimhild. Gunnar veut obtenir la main de Brunhild et il part pour aller la conquérir. Sigurd l'accompagne, se déguise en se couvrant des armes de Gunnar et monté sur Grani, le seul cheval qui ose franchir les flammes qui entourent le bourg où réside la jeune fille, il pénètre jusqu'auprès d'elle. Il passe la nuit à ses côtés, séparé d'elle par son épée posée entre eux deux sur la couche. Brunhild épouse Gunnar, mais elle continue à aimer Sigurd et elle demeure inconsolable de l'avoir perdu. Un incident vient bientôt changer sa douleur en désir de vengeance. Tandis que Brunhild et Gudrun se baignent dans la rivière et y lavent leurs chevelures, une querelle s'élève entre elles, chacune prétendant avoir l'époux le plus brave. « Sigurd a tué Fafnir et Regin, » dit l'une. « Oui, » répond l'autre, « mais Gunnar a chevauché à travers le Vafrlogi, le cercle de flammes qui entourait mon séjour. »« Non, point, » répond Gudrun. « Celui qui accomplit cet exploit, c'est Sigurd, et la preuve en est cet anneau, l'Andvaranaut, qu'il a repris à ton doigt et qu'il m'a donné. » Brunhild, deux fois trahie par Sigurd, brûle de se venger. Elle pousse Gunnar à tuer le héros. Celui-ci, désirant posséder le trésor, se laisse convaincre. Hugni l'en détourne en vain. Leur jeune frère, Guttorm, excité par eux à commettre le crime, frappe Sigurd tandis qu'il repose à côté de Gudrun. Le héros mourant se soulève sur sa couche et lance son épée Gram sur le meurtrier qui tombe à terre, haché en deux par la force du coup. Sigurd mort, Brunhild ne lui survivra pas. Elle fait élever un immense bûcher, se perce le sein et se fait brûler avec le corps de Sigurd et avec ceux des serviteurs et des femmes qui avaient consenti à mourir avec elle. Les détails de cette cérémonie funèbre rappellent tout à fait les coutumes de l'Inde. Brunhild offre à ses femmes de l'or et des bijoux pour qu'elles meurent avec elle. Comme elles refusent, elle leur dit « Nul ne doit renoncer à la vie à cause de moi, mais bien peu brilleront vos corps des dons de Ménia, divinité de l'or, de bijoux et de monnaie quand vous viendrez me rejoindre. » Elle fait placer aussi sur le bûcher deux chiens et deux faucons. Le but de cet usage était de permettre aux morts de chasser dans l'autre monde avec leurs compagnons favoris. Après avoir pris possession de l'or de Fafnir, Gunnar et Hugni se réconcilient avec Gudrun qui épouse Atli, frère de Brunhild et fils de Budli. Atli veut à son tour se rendre maître du trésor et il songe que, s'il peut tuer ses beaux frères, sa femme en héritera. Il fait inviter Gunnar et Hugni à se rendre auprès de lui. Gudrun les prévient du danger par des runes qu'elle grave elle-même sur une tablette de bois, mais les messagers en enlèvent un signe. Et ce qui était un avertissement devient une invitation. Arrivés à la résidence d'Atli, les deux fils de Gjuki sont attaqués avec fureur. Ils se défendent en héros et Gudrun combat à leur côté, mais enfin ils succombent. Atli veut savoir de Gunnar où est le trésor des Nibelungen. Gunnar répond qu'il ne le dira que quand on lui aura présenté le cœur de Hugni. On lui offre le cœur du lâche Yali. « Non, dit-il, ce cœur tremble, ce n'est pas celui de Hugni. Quand Hugni est tué, nul, dit Gunnar, ne saura plus maintenant où est le trésor, car nous l'avons jeté dans le Rhin, et seul désormais je sais où il se trouve. » Gunnar est enfermé dans la tour des serpents, les mains enchaînées, mais avec ses pieds, il tire de sa harpe des sons si puissants qu'il charme tous les reptiles, sauf une vipère qui le tue en le mordant au cœur. Atli, pour détourner la vengeance de Gudrun, lui offre des richesses de toute espèce. Gudrun déguise sa haine, mais demeure implacable. Elle égorge les deux fils qu'elle a eus d'Atli, et pendant le festin lui sert à manger leurs membres déchiquetés et à boire leur sang mêlé à l'hydromel. Ces actions atroces prouvent d'ordinaire la haute antiquité de la partie de la tradition qui les rapporte. Les chants sur les ancêtres de Sigurd, Ziggy, Volsung, Zinfjotli, que nous ne connaissons que par les imitations en prose de la Volsunga saga, nous peignent des mœurs encore plus farouches que l'Edda. Les héros vivent fréquemment dans les forêts sous la forme d'animaux sauvages. Dans les plus anciennes traditions de la Grèce, on trouve les mêmes atrocités que dans celles de la Germanie. Médée égorgeant ses enfants, l'horrible repas servi à Thieste par Atrée, la légende de Pélops et de Tantale, etc. Quand le forfait est accompli, elle en avertit Atli et le poignarde, puis elle met le feu à la salle du banquet qui écrase en tombant tous les convives alourdis par le sommeil et par la boisson. Elle a dignement vengé Gunnar et Hugni. Maintenant qu'on s'est rappelé l'ensemble de la tradition héroïque de l'Edda, qui est devenue, avec de nombreuses altérations et un caractère différent, le sujet du Nibelungenlied, on voudrait découvrir quel est le sens de cette antique légende et quel est le mythe qui en a coordonné les éléments divers dans une trame commune. Mais, malgré les recherches les mieux dirigées et les interprétations les plus ingénieuses, il faut bien avouer qu'il est difficile de déterminer ce point avec exactitude. Voici l'explication que donne Lachmann, dont l'autorité, comme on sait, est grande en cette matière. Un dieu brillant et beau, le dieu de la paix conquise par la victoire, Sieg, victoire, Fried, paix, tue les gardiens des sombres royaumes du Niflheim et enlève leur trésor au dragon qui le défend. Il acquiert par cet exploit des richesses immenses et une force merveilleuse. Mais il tombe sous la puissance des divinités de la nuit et de la mort. Il faut qu'il s'allie à elles, qu'il épouse leurs sœurs et que, pour satisfaire leur souverain, il arrache aux flammes qui la protègent la belle Valkyrie resplendissante de lumière. Il l'aime, il lui donne l'anneau magique pris dans le trésor, mais il ne peut l'épouser, car elle doit devenir la femme de son maître. Il est enfin tué par l'épine de la mort, Hagen, et le trésor est jeté dans le Rhin. Si tel était le sens de la mystérieuse saga, qui a absorbé plus tard des souvenirs empruntés au monde réel, la donnée primitive serait très simple, car elle ne serait autre au fond que la lutte des divinités de la lumière contre celle des ténèbres, des forces émanées du bon principe contre celles émanées du mauvais principe. Le mythe qui domine les traditions épiques des Nibelungen aurait ainsi sa racine dans l'antique dualisme de l'Orient. Il n'y a là sans doute rien d'improbable, et l'on peut invoquer plus d'une circonstance à l'appui de cette hypothèse. Seulement, ce n'est qu'une hypothèse, plus admissible que les autres, il est vrai, mais qui, dans l'état actuel de la science, n'a pas encore reçu de confirmation assez décisive pour être acceptée comme un fait démontré. Il en est de même des interprétations qui tendent à identifier Sigurd avec le dieu du soleil. Certes, on ne peut méconnaître que la figure légendaire de ce héros a subi l'action d'un mythe solaire dont on retrouve les traces plus ou moins distinctes dans les traditions des différents peuples de l'Orient. Mais jusqu'à présent, ce point important du développement de l'épopée est encore entouré de beaucoup d'obscurité. Quant à l'idée morale qui a présidé à la formation de la légende épique dans la forme où nous l'offre l'Edda, elle est plus claire. C'est la croyance répandue dans toute l'Europe et encore vivante de nos jours chez les populations d'origine celtique que les trésors portent malheur à leurs possesseurs et les font tomber sous la puissance des mauvais esprits. Le nain Andvari, en perdant son trésor, y a attaché sa malédiction et ceux qui en deviennent tour à tour les maîtres ou qui le convoitent, Hreidmar, Fafnir et Regin, Sigurd, Gunnar, Hogni et enfin Atli, périssent de mort violente. Le mauvais sort qui poursuit tous les personnages est le principe de l'unité de l'action. C'est la fatalité qui précipite les péripéties du drame. Cette croyance a sa source dans la réprobation de la cupidité, qui a inspiré tant d'éloquentes paroles dans la littérature ancienne et moderne, et qui a dû s'éveiller de bonne heure dans la conscience des peuples primitifs à la vue des crimes et des luttes auxquels donnait lieu la soif de l'or, dans un temps où les passions étaient sans frein et où le respect de la vie humaine n'existait pas. Que de fois la possession d'un trésor n'était-elle pas la cause de combats sanglants et de forfaits épouvantables ? Il suffit de parcourir l'histoire des rois mérovingiens pour en trouver de nombreux exemples. Citons seulement deux épisodes. C'est pour posséder ces trésors que Cloderic tue son père Sigebert, roi des Francs Ripuaire, au moment où, fatigué, il se reposait non loin du Rhin, dans la forêt de Bourgogna. Et ces faits historiques peuvent bien ne pas être étrangers à la légende de Siegfried. C'est pour dépouiller Cloderic de ce trésor, acheté au prix d'un crime, que Clovis le fait assassiner tandis qu'il montrait ses richesses au messager chargé de le tuer. Chilpéric se vantait de son trésor comme de la preuve la plus manifeste de sa puissance. Au Moyen-Âge, les souverains et les seigneurs allemands avaient tous leur Schatzkammer. Des faits de ce genre répétés et d'ordinaire grossis devaient naturellement faire naître la conviction que les mauvais esprits dominaient l'âme de celui qui s'emparait d'un trésor ou qui le convoitait et qu'il le faisait périr d'une mort violente. Idée juste au fond et très raisonnable dès qu'on la dégage de ses formes légendaires. Mais dans les temps primitifs, les croyances ne peuvent rester à l'état de maximes abstraites ou de principes dogmatiques. L'homme simple, pour saisir l'idée, a besoin de la voir incarnée. Il lui faut une morale en action. C'est ce qui explique comment la donnée de la malédiction attachée au trésor a pénétré la légende des Nibelungen et en a coordonné, en une fable suivie, les éléments mythiques et historiques. Dans le Nibelungen Note, cette conception est presque tout à fait obscurcie. Le trésor figure encore dans le poème. On voit que Siegfried l'a conquis en tuant Nibelung et Schilbung, qui s'étaient pris de querelle en voulant le partager. Grimhild le fait transporter à Worms. Après la mort de Siegfried, Gunther et Hagen s'en emparent, et avant de partir pour la cour d'Etzel, ils le jettent dans le Rhin. Mais la possession du trésor n'est plus un mobile d'action ni une cause de catastrophe. Ce sont les vestiges d'une croyance qui a perdu son caractère sacré et sa portée mystique. Dans les âges de barbarie, la possession d'un trésor, c'est-à-dire d'un grand amas d'or et d'argent, d'objets précieux et de belles armes, est un grand moyen d'influence et une condition presque nécessaire du pouvoir royal, car c'est sous cette forme seulement qu'on peut accumuler de grandes richesses qui ont été de tout temps le nerf de l'action. Dans la société féodale, l'autorité du roi ou du seigneur est déjà fondée sur des idées de subordination généralement répandues et sur des relations territoriales. Il existe une organisation politique, maintenue non plus seulement par la force et la richesse individuelle du souverain, mais par un certain besoin d'ordre et par certaines notions de droit et de légalité. Dès lors, un trésor peut bien être encore un objet d'ostentation, mais ce n'est plus ni la forme unique de la richesse, ni un moyen ordinaire de gouverner les hommes. Il est donc tout naturel qu'à mesure que se développa la féodalité, l'antique légende du trésor cessa d'être comprise par les hautes classes et ne fut plus conservée qu'à l'état de merche chez les populations les plus arriérées. D'autre part, les idées chevaleresques qui commencèrent à se répandre dès le XIe siècle et qui exaltaient le désintéressement ne pouvaient admettre que la soif de l'or servît de ressort ou tout au moins de lien à une action épique. Un pareil sentiment n'est pas considéré comme indigne d'un héros dans les temps héroïques, parce qu'alors le but des entreprises guerrières et le mobile des plus brillants exploits est souvent le pillage, comme le prouvent les expéditions de tous les peuples germaniques et surtout celles des Normands. Expédition que chantaient les skalds et les bardes. À l'époque féodale, au contraire, ce même sentiment, jadis habituel à tous les chefs, était considéré, au moins en théorie, comme indigne d'un chevalier qui devait combattre pour la gloire et laisser aux juifs et aux hommes d'affaires le vil souci d'accumuler de l'argent. Ainsi, l'état de la société et la tournure des esprits contribuaient également à rendre inévitable pour l'épopée l'adoption d'un autre ressort. Le ressort habituel des romans chevaleresques est l'amour. C'est donc sous l'empire de ce sentiment que devait se modifier la saga des Nibelungen. Mais les éléments de l'époque héroïque étaient trop nombreux, trop vivants et trop bien enchaînés pour pouvoir se plier facilement à la donnée nouvelle. Aussi ne fait-elle que poindre dans le Nibelungen Note. Elle y est énoncée au commencement et à la fin du poème sous la forme de cette maxime « L'amour cause souvent de grands malheurs ». Mais cette pensée n'est pas l'âme du récit. Elle n'en a point pénétré la trame et la marche des événements n'en est pas la mise en action. Il est cependant un point des plus importants qui a été complètement modifié sous l'influence du nouvel ordre d'idées. Dans les temps barbares, quand il n'y a point encore de justice pénale appliquée par l'État, c'est la vengeance qui, frappant le coupable, en tient lieu et qui, arrêtant les malfaiteurs par la crainte des représailles, assure au moins une certaine sécurité. Comme on le voit encore en Corse et chez les tribus indiennes, la vengeance est plus qu'une passion, c'est un devoir sacré, un point d'honneur pour ceux à qui incombe l'obligation de l'exercer. Il est donc tout naturel que ce sentiment, si puissant dans un état de civilisation peu avancé, occupe une très grande place dans les épopées des époques héroïques. C'est ainsi que le nœud de l'action de l'Iliade réside dans la vengeance qu'Achille veut tirer d'abord de l'outrage qu'il a reçu d'Agamemnon, puis de la mort de Patrocle, quand son ami a succombé sous les coups d'Hector. La vengeance de Kriemhild est le ressort principal du Nibelungenote. La tradition épique de l'Edda n'est qu'une série de vengeances. Reginn se venge de Fafnir en le faisant tuer par Sigurd. Brunhild se venge de Sigurd en le faisant tuer par Gunnar. Atli venge Brunhild en faisant mettre à mort Gunnar et Hogni, qui l'accusent d'avoir causé la perte de sa sœur. Puis enfin Gudrun venge ses frères en égorgeant Atli. Mais si la passion et le devoir de la vengeance se trouvent dans le Nibelungenote aussi bien que dans l'Edda, ces sentiments n'y sont plus compris de la même manière. Dans l'Edda, l'affliction de Gudrun après la mort de son époux va jusqu'au désespoir. Pourtant, elle se réconcilie avec ses frères, et quand ils sont attaqués par Atli, elle combat avec eux. Puis, quand ils ont succombé, pour mieux les venger, elle immole ses enfants dans l'ivresse de sa rage. Le sentiment qui domine donc ici tous les autres, c'est celui de la famille. C'est l'honneur du clan. Les auditeurs admettaient que pour obéir à ce sentiment, l'épouse de Sigurd se réconcilia définitivement avec ses meurtriers. Dans le Nibelungenote, au contraire, Kriemhild feint d'oublier le crime de ses frères, mais elle dissimule pour mieux atteindre son but. Sa blessure saigne toujours, il faut que Siegfried soit vengé. Ce n'est plus la sœur intrépide qui veut à tout prix frapper au cœur celui qui a tué les siens. C'est l'épouse implacable, toujours fidèle à son premier amour, et qui ne se remarie avec Hetzel que dans l'espoir d'obtenir ainsi une vengeance plus certaine. Cette seconde donnée appartient déjà, on le comprend, à un état social moins barbare et à un ordre d'idées plus raffiné que la première. Pour compléter cet aperçu du développement de la tradition épique des Nibelungen, il faudrait montrer les nuances souvent très différentes qu'ont présenté les sentiments et les caractères des héros aux diverses époques de son évolution. Il suffira d'indiquer ici les points les plus frappants. Dans l'Edda, on ne trouve encore aucune trace des idées chevaleresques. Les personnages sont animés de passions énergiques dignes de l'épopée, mais ils sont tous très occupés d'intérêts matériels, c'est-à-dire très avides de richesses, ce qui s'explique facilement quand on songe que la tradition épique est née chez les tribus de pirates des bords de la mer du Nord, les Francs, les Saxons et les Frisons, et qu'elle s'est développée ensuite chez d'autres pirates, les tribus des îles et des côtes scandinaves. Nous l'avons déjà constaté plus haut, dans toutes les époques héroïques, de l'Antiquité comme dans des temps plus rapprochés de nous, dans la Grèce ancienne comme dans la Germanie, chez les Indiens comme chez les Kleft, partout où le travail est méprisé, le pillage et la capture d'esclaves à main armée est un acte honorable et glorieux, et le héros n'est souvent, comme Romulus, qu'un chef de bandits. Les bourgs, dont les ruines hérissent encore les bords du Rhin, prouvent que les seigneurs du Moyen-Âge conservèrent longtemps en ce point les pratiques de leurs aïeux, malgré les exemples plus louables que leur offraient les romans de chevalerie dont ils aimaient à entendre les récits. Les personnages de l'Edda résistent difficilement aux séductions de l'or. Brunhild se plaint de ce que son frère Atli, pour la forcer à se marier, la prive de la part qui lui revient dans l'héritage paternel. Si j'étais demeurée vierge, Atli m'eût refusé la moitié de l'héritage, les terres et les richesses qui m'appartenaient, à moi, jeune fille, le butin et tout l'or que Boudli, le roi, me donna, à moi, sa fille. Puis elle est aussi séduite par le trésor de Fafnir. L'or brillant de Sigurd me fascina, dit-elle, ainsi que les anneaux rouges qu'apportait le héros. J'aurais refusé les richesses de tout autre homme, etc. Après la mort de Sigurd, Gunnar et Högni cherchent à se réconcilier avec leur sœur. Pour l'apaiser, Grimhild, sa mère, lui offre comme composition de riches présents. « Je te donne, ô Gudrun, de l'or, accepte-le, et aussi tout le trésor que laisse à ton père, les bourgs de Lødvers et tous ses gens de service, et des jeunes filles Yun qui savent tisser habilement de belles étoffes d'or. Que cela soit ta consolation. Tu posséderas seule tout le trésor de Budli en devenant la femme resplendissante d'Atli. » Quand Atli envoie vers Gunnar et vers Högni un de ses guerriers, celui-ci, pour engager les deux chefs du Rhin à se rendre auprès de son maître, leur parle des présents qu'ils recevront. « Vous pourrez, leur dit-il, choisir à votre gré des boucliers, des lances superbes, des casques ornés d'or rouge, des carapaçons couverts d'argent, des armures rougies dans les combats et des étalons qui rongent le frein. » À coup sûr, les sentiments auxquels on fait ici appel chez nos héros ne sont point d'un ordre très élevé. Mais il faut bien l'avouer, ce sont ceux qui dominent aux époques primitives, et la poésie n'est ici que la peinture exacte de la réalité. Ces grandioses figures de l'Edda ne sont point des personnages de romans, mais les images des Vikings du Nord, sublimes de bravoure dans le danger, mais très avides dans la vie ordinaire. Dans le Nibelungenlied, toutes ces convoitises, toutes ces préoccupations matérielles ont disparu pour faire place à des sentiments plus épurés. C'est l'amour, la jalousie, le désir de laver une injure, l'honneur qui fait agir les héros. Ce n'est plus avec des présents qu'on peut tour à tour enflammer leur passion ou apaiser leur colère. Hagen seul conserve encore quelque chose de l'âpreté farouche des temps héroïques. Mais déjà Rudiger est le type de la générosité du chevalier et de la fidélité du vassal. Pour remplir son devoir vis-à-vis de ses suzerains Etzel et Brunhild, il combat ses amis, ses hôtes les princes burgondes et jusqu'à son beau-fils Giselher. Il désire mourir plutôt que de tuer ses adversaires. Même au plus fort de la mêlée, il donne son propre bouclier à Hagen qui le lui demande, et en tombant, il regrette non la vie, mais le mal qu'il a dû faire malgré lui à ceux sous les coups desquels il succombe. Type admirable et touchant de désintéressement, d'abnégation, de bravoure, d'attachement au devoir et d'immolation volontaire, mais caractère trop raffiné pour appartenir aux époques héroïques. Ni dans l'Edda, ni dans l'Iliade, on ne trouve aucun personnage qui ressemble à celui-ci. Les sentiments des temps primitifs sont simples. Ils marchent droit au but, qui est la satisfaction de la passion. Ce n'est qu'avec la civilisation qu'apparaissent les sentiments complexes, la lutte des désirs contre l'idée du devoir et la notion du sacrifice de ses besoins, de ses affections ou de sa vie à l'idée du bien ou du juste. Si, dans le Nibelungenlied, les sentiments sont en général plus purs et plus élevés que dans l'Edda, par cela même, certains caractères, qui nous frappent quand ils se déploient librement dans toute leur fougue au sein de la vie barbare et païenne, perdent leur beauté sauvage dès qu'ils sont resserrés dans les bornes d'une action plus régulière. La figure de Brunhilde en offre un exemple frappant. Dans le Nibelungenlied, la force démesurée de cette vierge, que nul homme ne peut vaincre, indique encore son origine surnaturelle. Mais le motif pour lequel elle fait tuer Siegfried par Hagen n'est pas assez sérieux pour qu'on puisse lui pardonner cette trahison. Son rôle devient odieux, et à partir de ce moment, rien ne la relève plus, car elle n'apparaît pas dans la seconde partie du poème. Combien, au contraire, elle est belle dans l'Edda, la figure de la Valkyrie Sigurdrifa, de la jeune Brunhilde savante dans les runes et communiquant à Sigurd au bras invincible les trésors de sa sagesse. Quelle élévation dans l'invocation qu'elle prononce quand Sigurd l'a réveillée du sommeil magique. « Salut, jour, salut à vous, fils du jour. Salut à vous aussi, nuit et fille de la nuit. Tournez vers nous un regard favorable et accordez la prospérité à ceux qui souffrent. Salut à vous, Asen, salut à vous, Asinen. Salut à toi, terre qui nourrit tous les êtres. Donnez-nous, à nous deux qui en sommes dignes, la raison, la science et des mains pleines de guérison. » Ce passage, qui rappelle les plus anciennes des Védas, est évidemment un fragment de la poésie primitive des Aryens. Quand Brunhilde, qui s'est donnée tout entière à Sigurd, veut le faire tuer par Gunnar, on comprend le mobile qui l'a fait agir. Sigurd l'a trahi, et en a épousé une autre sous l'influence d'une boisson magique, il est vrai, mais elle ignore cette circonstance. Elle continue à l'aimer, elle ne peut le voir dans les bras d'une rivale, qu'il meure plutôt, elle ne lui survivra pas, et elle le retrouvera dans le Valhalla au séjour des héros. Les angoisses de son âme déchirées par l'amour et par le désir de la vengeance, son désespoir après que Sigurd a été tué, ses adieux lorsqu'elle monte sur le bûcher et tous les préparatifs de sa mort constituent un drame d'une sublime énergie auquel rien n'est comparable dans le Nibelungenlied. La peinture de la douleur de Kriemhild, quand elle trouve devant la porte de son appartement le corps de Siegfried assassiné, est un des plus beaux passages du poème allemand. C'est un tableau plein de force et de vérité, supérieur aux endroits les plus pathétiques de l'Iliade. Pourtant, la scène analogue de l'Edda me paraît encore plus belle. Le premier chant de Gudrun, « Gudrun Arkvida Fürsta » nous montre la veuve désolée, assise auprès du corps inanimé de Sigurd. Elle ne se tord point les mains, elle ne sanglote point, elle ne pleure point comme font les femmes. Son désespoir est muet, elle ne veut pas être consolée par ce qu'il n'est plus. Des épouses de chefs lui racontent leur malheur pour adoucir sa peine, en lui montrant que d'autres en ont éprouvé de plus grands. Gioflog lui dit qu'elle a perdu tous ceux qu'elle aimait, son épouse, ses fils, ses filles. Elle reste seule. Gudrun ne gémit point et ne pleure point. Son cœur est comme une pierre, rien ne la touche. Herborg parle à son tour. La mère a englouti ses parents et ses frères. Ses fils ont été tués à la guerre. Elle-même a été traînée en esclavage par les ennemis. Elle n'a plus personne qui puisse la consoler. Gudrun ne pleure point et ne gémit point. Rien ne l'émeut. Alors Gullrond leur dit « Vous ne savez point ce qui peut consoler une épouse désespérée. » Puis elle soulève le linceul qui couvrait Sigurd et elle pose sa tête sur les genoux de Gudrun. « Tiens, lui dit-elle, jette-toi sur ton bien-aimé. De tes lèvres baise ses lèvres chéries, comme quand vivait le noble chef. » Alors Gudrun revient à la vie. Enfin elle peut pleurer. Des ruisseaux de larmes inondent ses genoux. Elle gémit, elle sanglote. Et les oiseaux domestiques répondent à sa plainte désolée. Ses paroles sont simples, sans nulle exagération, mais d'autant plus touchantes qu'elles sortent d'un de ces cœurs farouches, endurci par le spectacle habituel de toutes les violences de la vie barbare. Oh, que mon Zégourde était beau! Il s'élevait au-dessus des fils de Gyuki comme une fleur au-dessus de l'herbe. Moi, je paraissais aux guerriers du roi supérieur aux filles d'Odin, et maintenant je suis comme une branche morte parmi les arbres de la forêt. Sur notre banc, dans notre couche, je n'entendrai plus la parole de mon bien-aimé. Et Gudrun continue ainsi à exhaler sa douleur en paroles touchantes. Brunhilde apparaît à la fin de la scène. Elle aussi est affligée, mais son parti est pris. La mort sera son refuge. Néanmoins, quand elle aperçoit la lance qui transperce la poitrine de Sigurd, son cœur se brise, ses yeux lancent des flammes, de sa bouche sort une haleine embrasée. On devine la Valkyrie. Ce chant de Gudrun est sans contredit un des plus beaux de l'Edda. La visite des princesses à la veuve de Sigurd ne rappelle-t-elle point celle des amis de Job après sa chute? Dans tout ce que nous connaissons des poésies primitives, il règne je ne sais quel ton de simplicité grave, solennelle, sinistre même, qui nous émeut profondément, parce qu'il vient d'un sentiment intime de ce que la destinée humaine renferme d'incertain, de misérable et de fatal. Dans la tradition épique de l'Edda, le merveilleux est si intimement mêlé à la trame du récit qu'on voit bien que la distinction du naturel et du surnaturel n'existait point encore au moment où la tradition s'est formée. Odin intervient directement dans l'action. L'auteur de la famille de Sigurd, Sig, est le fils d'Odin. Sigmund, père de Sigurd, tient son épée du dieu même. C'est celui-ci encore qui a endormi la Valkyrie Sigurdrifa, Brunhild, d'un sommeil magique. C'est lui encore qui, sous la forme d'un vieillard, dirige la barque de Sigurd sur les flots. Les trois dieux Hœnir, Loki et Odin se promènent au bord de la chute d'une Andvari. Autour vit dans le fleuve sous la forme d'une loutre. Le dragon Fafnir et les aigles parlent. Dans le Nibelungenot, le merveilleux est relégué au second plan. Siegfried se revêt, il est vrai, de la Tarnkappa qui le rend invisible. Le trésor est gardé par un nain et par un géant. Le sang du dragon a rendu le héros invulnérable, mais ces circonstances ne sont plus en harmonie avec le ton général de l'œuvre. Ce sont comme les vestiges d'un monde disparu. Ce n'est plus le merveilleux des temps héroïques tout plein de terreurs mystérieuses et d'émotions religieuses. C'est presque déjà le merveilleux un peu puéril d'un conte de fées. Ce qui ôte aussi, sous ce rapport au Nibelungenot, une partie de sa signification, c'est l'influence ecclésiastique qui vient se mêler aux souvenirs des temps païens. Ainsi Brunhild, la Valkyrie, et Siegfried, le Volsung aux yeux de flamme, le descendant d'Odin, le vainqueur du dragon Fafnir, vont à la messe. Il est vrai qu'une fois sortis de l'église, et aussitôt que l'action reprend son cours, tous les héros se conduisent comme l'auraient fait les Germains, leurs aïeux. L'auteur aura peut-être fait pratiquer par ses personnages les rites du culte catholique pour les soustraire aux censures du clergé, de même qu'il a multiplié outre mesure les descriptions de tournois, de vêtements, de banquets, pour plaire aux dames et aux chevaliers des petites cours féodales. Mais on regrette ces couleurs disparates qui ne peuvent s'accorder avec le caractère épique de l'ancienne tradition. Dans l'Edda, on ne voit aucune trace soit de l'intervention d'un corps sacerdotal, soit de quelque cérémonie religieuse. Les héros sont soumis aux volontés des puissances célestes, mais ils n'usent d'aucune pratique particulière pour se les rendre favorables. Seulement, ils sont avides de connaître les runes, c'est-à-dire les éléments de la science, afin de dompter à leur profit les forces de la nature. L'idée des lois qui président à leur destinée ne semble point paralyser leur énergie. Ils luttent sans relâche contre la fatalité qui les poursuit et montrent une confiance illimitée en eux-mêmes. Mais quand vient leur dernière heure, ils se soumettent à leur sort avec la résignation du sauvage. Ces dispositions de l'âme ne sont peut-être pas les plus favorables à l'observance des principes de la morale, mais elles le sont incontestablement au déploiement de l'individu et par conséquent à la création du personnage épique. Pour que l'épopée germanique atteignît toute la perfection dont elle était susceptible, les circonstances auraient dû permettre qu'elle vînt à maturité et qu'elle trouvât un poète digne d'elle sous l'empire des croyances qui dominent dans l'Edda, et, avant la conversion des Germains, aux doctrines venues de Rome et de la Judée. Que serait l'Iliade si elle avait reçu sa forme dernière d'un Homère élevé dans un couvent du XIIe siècle? Quand on compare l'épopée du Nord à celle des autres peuples, on est frappé du rôle prédominant qui remplissent les femmes. Dans l'Iliade, Hélène et Briseis sont bien la cause des événements par l'amour qu'elles inspirent, mais elles n'agissent pas elles-mêmes. Ce sont des figures effacées dans l'ombre du gynécée. Dans l'Edda et dans le Nibelungenlied, au contraire, Brunhilde et Gudrun ou Kriemhilde agissent. Elles dominent toute la scène et attirent l'attention plus même qu'aucun des héros. Ce fait s'explique d'abord par cette croyance des Germains que dans la femme, il y avait quelque chose de divin et de prophétique. Inesse etiam sanctum, aliquid et providum putant, comme dit Tacite. En second lieu, par les conditions mêmes de la vie des peuples du Nord. L'homme étant sans cesse absorbé par la guerre, par des expéditions maritimes, par la chasse ou la pêche, toute l'énergie de sa pensée était dirigée vers l'action. Il n'existait point d'ordre social régulier qui lui assurât des heures de loisir où il put développer en paix les facultés de son intelligence. Quand il restait dans sa demeure, il passait la plus grande partie de son temps autour de la table du banquet. Il en résulte que sa prévoyance n'est pas grande et que son esprit est faible. Ses résolutions sont énergiques, mais mobiles, ses passions ardentes, mais la femme peut s'en servir pour s'emparer de sa volonté. Celle-ci, au milieu d'occupations plus sédentaires, réfléchit davantage. Le sens de la vie pratique s'aiguise par la comparaison des événements et par les réflexions qu'il lui suggère. Elle apprend à prévoir de loin, à vouloir avec fermeté et à choisir les moyens d'arriver à son but. C'est elle qui inspire son sauvage époux, qui le pousse en avant ou le retient à son gré. Elle règne sur l'homme, par cette raison vraie partout et toujours, que le plus intelligent finit toujours par gouverner le plus fort. Chez les peuples du Nord, elle est la conseillère des guerriers, la prophétesse de la tribu, la dispensatrice de la science. Dans l'histoire et dans le drame aussi bien que dans l'épopée, c'est elle qui mène l'action. Lady Macbeth fait agir son époux, de même que Frédégonde et Brunehaut dominent dans les annales des Mérovingiens. Tacite n'a pas oublié de marquer ce trait caractéristique des mœurs germaniques. Ainsi, la femme ne doit jamais se croire étrangère aux idées de courage, étrangère même au hasard des combats. Ses bœufs unis, ce cheval préparé, ses armes qu'on lui donne, lui annoncent qu'elle doit oser et souffrir dans la paix et dans la guerre, et qu'ainsi il lui faudra vivre et ainsi mourir. Nous voudrions encore montrer, avant de terminer cette étude, comment la poésie épique du Nord a su peindre la bravoure. Sous ce rapport, le poème allemand est même supérieur aux chants islandais, parce qu'il donne les faits avec plus de développement. Les héros de la tradition des Nibelungen ne montrent pour la vie nul dédain ascétique ni nulle indifférence chevaleresque. Ils l'aiment fortement. Ils sont même très attachés à tous les intérêts terrestres, et néanmoins, ils ne reculent devant aucun danger et ne trahissent jamais aucune frayeur de la mort. Dans l'Iliade, les héros qui fuient ne sont pas rares, et il en est plus d'un qui laisse voir quelque crainte au moment du péril. Dans les Nibelungen, les guerriers pleurent le trépas de leurs amis. Aucun ne tremble quand pour lui la mort approche. Dans l'Edda, Högni est fait prisonnier. On lui arrache le cœur pour le montrer à Gunnar. « Faites ce que vous voudrez !» s'écrie le héros en riant. « Je défie votre rage. Vous saurez aujourd'hui ce que c'est qu'un brave. » Et Högni se met à rire tandis qu'on lui arrache le cœur de la poitrine. Dans la lutte épouvantable qui termine le Nibelungenlied, des milliers de guerriers s'entr'égorgent. Pas un ne montre la moindre faiblesse. Le jeune Wolfhart, tombé dans la mêlée, dit à son oncle le vieux Hildebrandt « Qu'on ne me plaigne pas, je meurs en brave de la main d'un noble chef, et j'ai vengé ma mort car j'ai tué 100 ennemis. » Tels sont les sentiments qui animent tous les combattants. Cette bravoure qui éclate ainsi en traits saisissants dans les anciennes traditions nous explique les étonnants exploits consignés dans l'histoire, mais qu'on attribuerait plutôt à la légende. C'est Franc qui, fait prisonnier par Probus et transporté sur les bords de Pont-Euxin, se saisisse de quelques vaisseaux marchands, traverse l'Hellespont, dévaste en passant les rivages de la Grèce et de l'Asie, insulte en se jouant à toutes les cités les plus glorieuses de l'Antiquité, attaque Athènes et Carthage, et prenne Syracuse, franchissent les colonnes d'Hercule et surmontant dans leurs légers bâtiments les fortes lames de l'océan, débarquent en triomphe sur les côtes de la Frise, leur patrie. Ces Normands qui faisaient trembler toute l'Europe et qui attaquaient même les villes de la Méditerranée sous les yeux de Charlemagne, cette poignée d'autres Normands qui, revenant de la Terre Sainte, prennent Amalthi et fondent un royaume qu'ils étendent jusqu'en Sicile par des exploits inouïs, tous ces glorieux pirates sont bien du même sang que les guerriers du Nibelungenlied et de l'Edda. Tous ces héros, ceux de l'épopée et ceux de l'histoire, aiment le danger pour le seul plaisir de le braver. Se battre, jouer leur vie sur un coup d'épée est pour eux un âpre plaisir. Siegfried arrive au bourg où résident ses fidèles. Il heurte à la porte, le géant qui la garde s'élance. Le héros n'a qu'à se faire connaître, mais il préfère combattre. Le géant le frappe à grands coups redoublés avec une lourde massue de fer. Siegfried était en danger. Il voyait approcher la terrible mort, mais il était content. Il ne se nomme que quand il a vaincu son trop fidèle serviteur. Les descendants de ces pirates du Nord, les Anglo-Saxons de nos jours, montrent parfois, en certaines circonstances, qu'ils ont hérité de leurs aïeux le goût désintéressé et presque artistique des combats à outrance et le mépris du danger sans élan et sans enthousiasme. Ce trait héréditaire du caractère national se révèle, par exemple, dans les luttes de vitesse des bateaux à vapeur sur le Mississippi et dans la froide intrépidité qui les caractérise au milieu des plus grands dangers. À la fin du poème, Hagen et Gunther ont repoussé pendant 2 jours et 2 nuits les assauts redoublés de milliers d'ennemis. Ils survivent seuls, leurs frères, leurs amis, tous leurs compagnons ont péri. Du côté de leurs adversaires, il ne reste que Dietrich et maître Hildebrand. Hagen voit ses deux guerriers invincibles s'avancer pour venger la mort du margrave Rudiger. À cette vue, qui aurait dû abattre son courage, et parmi les cadavres amoncelés de tous ceux qu'il avait aimés, il se réjouit. « On saura enfin, s'écrie-t-il, quel est le plus brave !» Cette indomptable valeur, ce mépris du danger, cette assurance en présence de la mort, s'explique en partie par les habitudes belliqueuses des peuples du Nord, en partie aussi par leurs croyances. La certitude de jouir après la mort d'une vie meilleure les portait à faire bon marché de celle-ci et leur entière confiance dans l'immortalité de l'âme les rendait inaccessibles à la crainte. Celui qui succombait sur le champ de bataille, n'était-il pas conduit dans le Valhalla par les Valkyries, et n'était-ce pas la coutume de plaindre le malheureux sort de celui qui mourait de vieillesse? Quand, dans l'Odyssée, on voit l'ombre d'Achille regretter de ne plus jouir de la vie, fût-ce même dans le corps de Thersite, on comprend que les Grecs n'échangeaient pas sans regret une existence qui leur semblait si douce contre un avenir d'outre-tombe qui leur apparaissait sous de si sombres couleurs. D'après tout ce qui précède, on a pu se convaincre que l'histoire des origines et du développement de la tradition épique des Nibelungen confirme la théorie générale de la formation de l'épopée nationale, en même temps qu'elle en éclaire d'un jour nouveau certains points demeurés obscurs. Mais en outre, de cette étude ressort aussi, nous semble-t-il, une conclusion générale qui pourrait peut-être trouver des applications même en dehors du domaine des lettres. C'est à tort qu'on a voulu attribuer exclusivement à l'invention individuelle des hommes supérieurs les grandes œuvres où éclate le génie humain, car c'était méconnaître le travail préparatoire de la pensée collective du peuple qui rend ces œuvres possibles. C'est aussi à tort que des systèmes récents qui tendent à effacer partout l'action de l'individu pour ne voir que celle de l'humanité ont attribué tout mérite aux élaborations anonymes, mystérieuses, spontanées, qui s'opèrent lentement au sein des masses. C'était nier la glorieuse initiative des grands hommes. Ces théories absolues tombent devant l'examen des faits mieux connus. Ceci montre d'une part que le génie d'un poète, quelque puissant qu'il soit, ne l'est pas assez pour créer de toutes pièces l'épopée nationale. Seule l'imagination d'un peuple peut donner naissance à des types, à une action, à un merveilleux qu'adopte la foi et l'enthousiasme populaire. Seule, elle peut les faire vivre dans ce qu'on pourrait appeler l'atmosphère épique. Les créateurs du drame eux-mêmes, Eschyle, Sophocle, Corneille, Shakespeare, se sont appuyés sur les données que leur a fournies la légende. Mais d'autre part, il n'est pas moins démontré que seul aussi le génie individuel donne à l'œuvre collective, élaborée par les masses, une forme définitive et parvient, en fixant la tradition en traits durables, à la sauver de l'oubli où sont allés s'engloutir tant de légendes gracieuses ou terribles, enfantées par l'imagination des peuples pendant le cours des siècles. On ne doit donc nier ni la part d'action qui appartient aux masses, ni celle qui ne peut venir que du grand artiste. Pour créer cette œuvre unique et merveilleuse, la véritable épopée nationale, il faut le travail combiné d'une nation douée du sentiment de l'idéal et d'une imagination poétique, et d'un poète en qui le génie de sa race trouve sa plus haute expression et qui soit réellement ce qu'Emerson appelle un homme représentatif. Enfin, pour que cet heureux concours des facultés les plus puissantes de l'individu et des instincts les plus sublimes de la foule arrive à produire une composition vraiment grande et belle, il faut que celle-ci sorte d'une tradition qui ait subi la fécondation du temps et, si on ose le dire, l'incubation des siècles.